Yeah, déjà mort crew, prédate, chroniqueur de l'illicite. C'est pour les nôtres, mec, écoute ça. C'est pour les nôtres, dans la street, dans la street. Vrai hip-hop, hard de bar, j'pars, ouais. Pour les blocs, dans ma clique, les frères ensemble, dans la rage. C'est pour les nôtres, dans la street, vrai hip-hop, hard de bar, j'pars, mec. Pour les blocs, ouais, dans ma clique, les frères ensemble, dans la rage. Les vrais hommes se font rares, les balles trinques se font la guerre. Les beaux garçons tout part, les avocats se font les couilles en or. Ta gosse fait défoncer l'arrière pendant que tu comptes les jours entre des parloirs. Dehors on se croit tous en place, mais on a tous un train de retard. Des tas de remords, des tas d'engraines, des tas d'affaires où on se dit si mon blast sort, je suis mort sa mère. Ce rap c'est pour les nôtres, ceux qui ont vécu les trucs qu'on mourait. On représente le vrai hip-hop ici, pas sans le pédé. On veut pas de votre pépate pour parler, écoute ça. Faire la guerre au pantin dans le game, on est là pour ça. Le béton, la dureté de la rue dans les écrits, ça nous connaît. Si t'as mal à la tête, prends les calmes, on brûle le CD. Hardcore d'un bout à l'autre, comme sur ton front le canon du Glock. Comme ce flic qui te chope avec du shit ou de la coque. Comme quand tu te fais cogner après qu'il t'ait passé les menottes. C'est pour les nôtres, dans la street, vrai hip hop, hard de bar, j'pars, ouais. Pour les blocs, ma clique, les frères ensemble, dans la rage. C'est pour les nôtres, dans la street, vrai hip hop, hard de bar, j'pars, mec. Pour les blocs, ouais, ma clique, les frères ensemble, dans la rage. J'ai les miens, crèche au placard, une fois sûr de son tricard. Dans le checkar, fais pas le tocard, les bandits ne sont pas en ton car. On vient pour ton car, le mic, faire plaisir aux nôtres. Prêt à tes bras d'eau, on vient ici baiser les vôtres. L'instru est présente pour faire bouger mes gars du ghetto. C'est pour ça je prends le mic, représente pour mes gars du litso. Ceux qui ont qu'une parole, ceux que j'appelle l'homme qui règle tout au C4 et puis se pète la tête au rhum et passe des heures sur des drums. La tête pleine de dreams, lyrics pété dream. Sensé c'est qu'on crime, la vie c'est de l'escrime. Vois comme on esquive les coups trop lèse. Bah les miens sont bien trop despi, les miens n'ont pas le temps de dormir. Faut gérer le bis le bif. Viens pas sur mon terrain comme un lion sort les crocs les griffes. Les miens sont nerveux, porteurs de malheur. Et quand ça sort un gun, j't'assure c'est pas pour faire peur. C'est pour les nôtres, dans la street, vrai hip-hop, hard de bar, j'pars, ouais. Pour les blocs, ma clique, les frères ensemble, dans la rage. C'est pour les nôtres, dans la street, vrai hip-hop, hard de bar, j'pars, mec. Pour les blocs, ouais, ma clique, les frères ensemble, dans la rage. C'est pour les nôtres, dans la street, vrai hip-hop, hard de bar, j'pars, ouais. Pour les blocs, ma clique, les frères ensemble, dans la rage. Pour les nôtres, dans la street, vrai hip-hop, hard de bar, j'pars, mec. Pour les blocs, ouais, ma clique, les frères ensemble, dans la rage.